j'ai plongé dans la vie. En sortant de ma mère, j'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. J'ai toussé, j'ai craché, j'ai gueulé comme un âne. Au secours, je me noie. Ouch! Personne n'a bronché, ne m'a tendu de rame, de coquille de noix. Ouch! Alors tant mieux, tant pis, j'ai appris à nager, puisque c'était mon rôle. Ouch! Certains requins m'ont dit, on va pas te manger, mais travaille ton crawl. Ouch! Ce sera plus prudent. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. Et depuis me voilà, le bouillon sur le dos, et buvant cette amère. Ouch! Buvant ici et là, trois grandes tasses d'eau pour un petit bol d'air. Ouch! Il y a des sirènes, quelquefois elles m'entraînent vers des fonds irisés. Ouch! Dans leurs bras je bascule, mais pareils à des bulles s'envolent nos baisers. Ouch! De nouveau je m'enfuis. J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie, comme dans l'eau de la mer. Nageant dans un fauteuil, des poissons argentés me croisent sur ma route. Ouch! Ils me jettent un sale œil quand ils voient arriver mes cheveux sur leur soupe. Ouch! À quoi ça sert ce bain? Surveille-t-on mon style? Je me mouille, pourquoi? Ouch! Me tendra-t-on la main sur un rivage d'île en me disant, c'est toi, on t'attend des fistons? J'ai plongé dans la vie, en sortant de ma mère. J'ai plongé dans la vie.